Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Par quel mauvais sort ou quelle heureuse aventure arrive-t-on sur une île? Par quelle magie débarque-t-on sur cette île en particulier? Une île magique elle-même? Une île misérable? Et encore, une jeune fille se rappelle-t-elle des choses antérieures à son arrivée sur cette île? Parvient-on dans cette île avec de vils desseins? Et encore, Caliban eut-il pu peupler l'île de petits Calibans? Et enfin, qui peut bien jouer aux échecs dans une grotte au bord de la mer? Voici La Tempête, première diffusion sur la chaîne nationale le 20 juillet 1950, présentation Léon Ruth. La Tempête, écrite et représentée en 1610, éditée en 1623. Comme le songe d'une nuit d'été, la tempête est une féerie. Mais alors que le songe n'était que cela, un conte poétique, la tempête tend vers le conte philosophique. Alors que les personnages du songe étaient les jouets des esprits, ici nous verrons les esprits, les forces mystérieuses de la nature, asservies à la volonté d'un homme, Prospero. La Tempête, testament poétique du dramaturge, un jour viendra où l'homme, affranchi par la science, commandera la nature qui, jusqu'à présent, n'a fait que le soumettre à ses lois redoutables, l'écraser. D'aucuns ont voulu voir également dans cette œuvre une manière de satire politique. Shakespeare s'était autorisé dans ses pièces historiques à faire très discrètement et très habilement la leçon à sa souveraine, Élisabeth. Ici, le conseil qu'il donne au monarque de ne point négliger les affaires de l'État au profit des distractions intellectuelles vaut pour Jacques Ier Stuart, successeur d'Élisabeth. L'action de la tempête se déroule dans une île imaginaire, dans la plus stricte unité de temps. Prospero, duc de Milan, vit dans cette île en compagnie de sa fille Miranda. Mais le rideau se lève sur le décor d'une grotte au bord de la mer. Si c'est par la puissance de votre arme, ô père bien-aimé, que les vagues furieuses poussent de tels mugissements, apaisez-les. Oh, comme j'ai souffert avec ceux que je voyais souffrir. Un bon vaisseau qui portait sans doute dans ses flancs quelques nobles créatures brisées, mises en pièces. Oh, leurs cris frappés contre mon cœur. Pauvres êtres, ils ont péri. Rassure-toi et dis à ton cœur compatissant qu'il n'est rien arrivé de mauvais. Ah, le lamentable jour. Rien de mauvais, te dis-je. Tout cela, je l'ai fait par sollicitude pour toi. Pour toi, ma fille chérie, qui ignore qui tu es, qui ignore si je suis quelqu'un de supérieur à Prospero, habitant d'une sombre caverne, ton père, et rien de plus. Je n'ai jamais eu le souci d'en savoir davantage. Il est temps que je t'informe mieux. Aide-moi à me débarrasser de mon vêtement magique. Oui. Là, très bien. Allons, essuie tes yeux, console-toi. Ce naufrage dont l'affreux spectacle a remué ta compassion, je l'ai, grâce à mon arme magique, si prudemment suscité qu'il n'en a pas coûté la perte d'une âme. Que dis-je, qu'il n'en a pas coûté un cheveu à une seule créature. Assieds-toi. Tu dois maintenant en savoir davantage. Souvent, vous avez entrepris de m'apprendre qui je suis, mais toujours vous vous êtes arrêté en chemin. Vous disiez, attendons, pas encore. L'heure est maintenant venue. Sois attentive. Te rappelles-tu l'époque où nous n'habitions pas encore cette grotte? Hein? J'en doute, tu avais alors 3 ans à peine. Mais certainement, Seigneur, je m'en souviens. Qu'est-ce qui t'en fait souvenir? Est-ce une maison, un visage? Dis-moi l'image des choses qui est restée dans ta mémoire. Cela est bien lointain. Plutôt songe que réalité. N'avais-je pas alors 4 ou 5 femmes pour prendre soin de moi? Et même davantage, Miranda. Mais comment se fait-il que ce détail soit resté dans ton esprit? Que vois-tu encore dans le passé, par-delà les abîmes du temps? Puisque tu te souviens de choses antérieures à ton arrivée dans cette île, tu dois te rappeler comment tu y es venu? Non. Je ne le puis pas. Il y a 12 ans, Miranda, de cela. Ton père était le duc de Milan, un puissant prince. Seigneur, n'êtes-vous pas mon père? Ah, ta mère, un modèle de vertu, m'avait dit que tu étais ma fille. Mais quel mauvais sort nous a donc forcé de partir de là-bas. Ou bien, cela fut-il pour nous une heureuse aventure? L'un et l'autre, ma fille. Le mauvais sort, comme tu le dis, nous chassa de là-bas. Mais une heureuse aventure nous poussa jusqu'ici. Le cœur me saigne en songeant aux souffrances que je vous ai causées et dont je n'ai pas gardé le souvenir. Mais s'il vous plaît, continuez. Mon frère, ton oncle, se nommait Antonio. Je l'aimais, après toi, plus que rien au monde. Et je lui avais confié le gouvernement de mon état. À cette époque, parmi les ducs, j'étais le plus réputé pour ma dignité et pour ma science dans les arts libéraux. Ces arts faisaient l'objet de toute mon application. Aussi, je me déchargeais sur mon frère des soins du gouvernement et je devins progressivement étranger à mon état, perdu que j'étais dans mes études. Ton fourbe d'oncle, tu me suis bien. Oh, avec grande attention, oui, Seigneur. Suis-moi bien. Négligeant ainsi toutes les mondanités, tout entier au recueillement, au perfectionnement de mon esprit dans les études, j'éveillais dans mon frère une mauvaise nature et ma confiance l'encouragea à la fourberie. J'avais en lui une confiance sans limite, une foi sans mesure. Quand il eut été en possession non seulement de mon revenu, mais de tout mon pouvoir, alors il en vint à s'imaginer qu'il était le duc. Son ambition croissant, m'entends-tu? Oui, oui, Seigneur. Pour supprimer toute différence entre le personnage qu'il joue et celui pour le compte de qui il joue, il faut qu'il devienne le duc de Milan lui-même. Pour moi, pauvre homme, ma bibliothèque était un duché assez vaste. Il me juge désormais incapable de toute royauté temporelle. Il se ligue, si âpre était son désir de régner, avec le roi de Naples, s'engage à lui payer un tribut, soumet sa couronne ducale à la couronne royale et courbe le duché jusqu'alors indompté sous le plus ignoble vassalage. Oh, grand Dieu! Le roi de Naples, mon ennemi invétéré, accueille les propositions de mon frère. En retour, il s'engage à chasser du duché, moi et les miens, et à donner 1000 ans à mon frère avec tous ses titres et dignités. Une armée de traîtres est levée, et une nuit, Antonio lui ouvre les portes de Milan, d'où les agents du crime nous arrachent au plus épais des ténèbres, moi et toi. Quelle pitié! Écoute encore, je vais t'amener à l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi ne nous firent-ils pas périr à ce moment-là? Ils n'osèrent pas, redoutant l'amour que mon peuple me portait, et aussi parce qu'ils voulurent éviter de marquer de sang leur forfaiture. Bref, ils nous traînent précipitamment à bord d'une barque et nous transportent à quelques lieues en mer jusqu'à un point où ils tiennent prêt un bateau sans agrès, sans voile ni mât, et que les rats eux-mêmes ont déserté. Là, ils nous déposent pour y sangloter de compagnie avec la mer qui mugit autour de nous, pour soupirer avec les vents dont la compassion nous renvoie nos soupirs. Quel embarras je dus être alors pour vous. Tu fus l'ange qui me protégea. Pendant que je gémissais sous mon fardeau, toi, tu souriais. Et ce spectacle fit naître en moi une énergie assez forte pour résister à notre mauvais sort. Comment arrivâmes-nous à terre? Par la protection de la divine providence. Nous avions quelques vivres et un peu d'eau fraîche qu'un noble napolitain, Gonzalo, qui avait été chargé de diriger cette affaire, nous donna par charité. De riches vêtements, du linge, des étoffes, des objets de première nécessité qui, par la suite, nous ont été fort utiles. De plus, sachant combien j'aimais mes livres, Gonzalo me remit un certain nombre de volumes que j'estime plus précieux que mon duché. Que je voudrais voir quelque jour cet homme. Écoute la fin de nos tribulations. Nous arrivâmes dans cette île. Magistère patient, je t'ai élevé comme aucune princesse ne le fut jamais. Que le ciel vous en récompense. Et maintenant, dites-moi, monseigneur, la raison qui vous a fait soulever cette tempête. Par un hasard étrange. La fortune aujourd'hui, ma protectrice, a conduit mes ennemis sur ce rivage. Et grâce à ma prescience, je découvre que mon zénith est dominé par une étoile propice. Je dois m'empresser d'utiliser son influence. Faute de quoi, mes chances heureuses iront toujours en décroissant. Saisis ici tes questions. Je le vois. Tu as sommeil. Oh oui. Dors. Je le veux. Voilà. Viens ici, mon serviteur. Viens. Je suis prêt maintenant. Approche, Ariel. Viens. Miranda, par la volonté de Prospero, s'est endormie. Paraît Ariel, l'esprit ailé, moitié ange, moitié homme. Salut, maître puissant. Sage seigneur, salut. Me voici tout prêt à obéir à ta volonté. S'agit-il de nager, de plonger dans le feu ou de chevaucher les nuages? Soumets-moi à tes ordres souverains. Esprit, as-tu exécuté sans rien omettre la tempête que je t'avais ordonnée? De point en point. J'ai abordé le vaisseau du roi, et tour à tour, sur la proue, sur les flancs du navire, sur le pont, dans chaque cabine, j'ai flamboyé, jetant l'épouvante. Quelquefois, je me divisais, je brûlais en plusieurs endroits à la fois, sur le mât, sur les vergues, sur le beaupré, je brillais en mille flammes, puis je me reformais en une seule. Les éclairs de Jupiter, précurseur du tonnerre, ne sont pas plus rapides que je le fus. Un feu rugissant de soufre semblait assiéger le tout-puissant Neptune, faisant trembler ses vagues furieuses, et branlant même jusqu'à son trident redoutable. Mon brave esprit, s'en est-il trouvé un à bord qui fût assez femme pour ne pas perdre la raison? Pas un seul qui n'ait été saisi de délire et de désarroi. Tous, à l'exception des matelots, ont plongé dans les flots écumants au moment où j'enveloppais le navire entier de ma flamme. Le fils du roi Ferdinand, les cheveux dressés de terreur, fut le premier à s'élancer. Il criait « Tous les diables de l'enfer se sont donné rendez-vous ici !» Bravo, c'est bien. Tout cela s'est-il passé près du rivage? Tout contre, mon maître. Sont-ils sains et saufs, Ariel? Pas un cheveu ne leur manque, pas une tache sur leurs vêtements. Ainsi que tu me l'as ordonné, je les ai dispersés par groupes dans les diverses directions. Quant au fils du roi, je l'ai laissé dans un coin écarté de l'île, remplissant l'air de ses soupirs, assis, les bras tristement croisés. Qu'as-tu fait du vaisseau, des marins et du reste de la flotte? Le vaisseau du roi est à l'abri, caché dans cette baie profonde. Les matelots sont tous couchés sous les écoutilles. Je les ai endormis par un charme. Quant au reste des navires que j'avais dispersés, ils se sont ralliés maintenant. Ils voguent sur les eaux de la Méditerranée et s'en retournent tristement à Naples. Tous à bord sont convaincus qu'ils ont vu sombrer le vaisseau du roi et périr son auguste personne. Ariel, tu as très exactement accompli ta mission. Mais il nous reste encore à faire. À quel moment du jour sommes-nous? Midi. Il nous faut donc bien employer le temps qui nous reste jusqu'à la sixième heure. Faut-il encore travailler? Laisse-moi te rappeler ta promesse. Que c'est-à-dire? Boudeur fantasque. Qu'as-tu à me demander? Ma liberté. Pas avant que le temps n'en soit venu. Souviens-toi, je t'ai loyalement servi. Je ne t'ai pas dit de mensonge. Je t'ai obéi de bon cœur sans jamais grogner. Tu m'avais promis de me rabattre sur mon temps une année entière. As-tu donc oublié de quel tourment je t'ai délivré autrefois? Non. Tu l'as oublié. Et tu crois faire beaucoup, n'est-ce pas? En foulant le limon de l'abîme des mers, en courant sur l'âpre vent du nord et en t'employant à mon service jusque dans les gouffres de la terre. Je ne pense pas ainsi, Seigneur. Tu mens, esprit malicieux. As-tu donc oublié l'immonde et méchante sorcière Sycorax? L'as-tu oublié? Non, Seigneur. Tu l'as oublié. Où était-elle née, dis-moi? À Alger, Seigneur. Il me faudra donc te rappeler sans répit ce que tu as été. Cette maudite Sycorax fut, tu le sais, bannie d'Alger pour ses méfaits, ses sortilèges épouvantables. Cependant, on épargna sa vie. Oui, Seigneur. Elle fut conduite ici, enceinte. Ainsi que tu me l'as raconté toi-même, tu étais alors son serviteur. Mais, esprit trop délicat pour exécuter ses volontés exécrables, tu refusas ses ordres. Dans un accès de rage, elle t'enferma à l'intérieur d'un sapin, où tu restas cruellement emprisonné pendant 12 années. Durant cet intervalle, elle mourut, et elle te laissa là, gémissant. Alors, cette île, si j'en exempte le monstre qu'elle y avait mis bas, n'était honorée de la présence d'aucune créature humaine. Oui, Caliban, son fils. Lui-même, Caliban, que je tiens maintenant à mon service. Tu sais fort bien dans quel tourment je te trouvais. Tes plaintes faisaient hurler les loups et pénétraient de compassion les entrailles des ours furieux. C'était un supplice de damné. Et Sycorax n'était plus là pour défaire son charme. Ce fut mon art qui força le sapin à s'ouvrir et te permit d'en échapper. Je te remercie, maître. Et si tu murmures encore, je fendrai un chêne et je te chevillerai dans ses entrailles noueuses jusqu'à ce que tu y aies passé 12 hivers à hurler. Pardon, maître. Je me confirmerai toujours à tes ordres. Fais-le. Et dans 2 jours, je t'affranchirai. Que faut-il faire? Dis-moi, que faut-il faire? Prends la figure d'une nymphe de la mer. Rends-toi invisible, sinon de toi et de moi-même. Va et fais diligence. Réveille-toi, Miranda. Cher Kay. Réveille-toi. Tu as assez dormi. Réveille-toi. L'étrangeté de votre histoire m'a plongé dans l'accablement. Secoue cette torpeur. Viens, allons voir Caliban, notre esclave. Seigneur, Caliban est méchant, je ne l'aime pas. Oui, mais nous ne pouvons nous en passer. Il fait notre feu, il apporte notre bois et nous rend service. Hé, Caliban ! Hé ! Ordure ! Réponds ! Quoi ? Encore aller chercher du bois ? Sors, te dis, j'ai autre chose à faire. Arrive donc, tortue ! Très bien, quand te décideras-tu ? Allons, serpent venimeux, fils du diable lui-même, et de ta méchante mère, viens ici ! Une rosée aussi malfaisante qu'en ai jamais ramassé ma mère sur un marécage pestilentiel avec une plume de corbeau s'abat sur vous deux ! Qu'un vent du sud-ouest souffle sur vous deux et vous couvre de pustules ! Cette menace te vaudra cette nuit des crampes et des poids de côté qui te couperont le souffle. Les farfadets t'assailleront. Tu seras criblé de piqûres cuisantes, aussi serrées que les cellules d'un rayon de miel. Sait-il que tu m'as volé à moi de par Sycorax, ma mère ? Dans les premiers temps de ton arrivée, tu me faisais bon visage. Tu me donnais de petites tapes d'amitié. Tu m'apprenais à nommer la grosse lumière qui brille pendant le jour. Et aussi la petite qui brûle pendant la nuit. Alors moi, je t'aimais. Je te montrais toutes les ressources de l'île, les ruisseaux d'eau fraîche, les creux d'eau salée, les endroits stériles ou fertiles. Que je sois maudit pour l'avoir fait. Que tous les charmes de Sycorax, crapauds, cancres, chauves-souris s'abattent sur vous. À moi seul, je suis tous vos sujets. Moi qui étais jadis mon propre roi. Vous me donnez pour gîte un creux de rocher pendant que vous vous réservez le reste de l'île. Triple menteur ! Tu sais bien que je t'ai traité, tout ordure que tu sois, avec une sollicitude humaine, que je t'ai logé dans ma propre cellule, jusqu'au jour où tu tentas de violer l'honneur de mon enfant. Oh, il s'en est fallu de peu ! Mais tu m'en empêchas, autrement j'aurais peuplé l'île de petits calibans. Esclave à barrer ! Inaccessible à aucun bien, capable de tout mal. J'eus pitié de toi. Je m'imposais la tâche de t'apprendre à parler, alors que tu ne savais pas démêler ta propre pensée et que tu jappais des cris inarticulés comme une bête. Mais ta vile nature m'obligea bien vite à te confiner dans ce trou de rocher. Toi qui avais mérité plus qu'une prison. Vous m'avez appris à parler. Et le profit que j'en retire est de savoir maudire. La peste rouge vous tue. M'avoir appris votre langage. Rentre d'ici, fils de sorcière. Va nous chercher du bois et fais vite. Tu hausses les épaules. Si tu mets de la mauvaise volonté à faire ce que je te commande, je te rouerai de crampes. Je remplirai tes os de douleur. Je te ferai rugir de telle sorte que les bêtes sauvages trembleront de terreur. Non, ne faites pas cela. Il faut que j'obéisse. Son art est si puissant qu'il l'emporterait sur cette ébrousse. Le dieu de ma mère lui-même. Et le réduirait à l'esclavage. Rentre ici ! Donc, ainsi que Prospero l'a commandé, le duc de Milan, le roi de Naples et son frère Sébastien sont conduits ensemble dans une certaine partie de l'île. Le fils du roi de Naples a été jeté en un autre endroit. Le voici pleurant son père qu'il croit mort. Ariel, au-dessus de lui, invisible, conduit à la rencontre de Prospero et de Miranda. Cette musique de l'air ou de la terre. Elle se tait. Pour sûr, elle doit s'adresser à quelque divinité de l'île. Assis sur un des bancs de sable de la plage, je pleurais encore le naufrage du roi mon père lorsque cette musique, glissant sur les eaux, est venue jusqu'à moi. Elle calma soudain par ses douces mélodies leur furie et ma douleur. Je l'ai suivie, puis elle s'est évanouie. Non, elle recommence. Cette chanson parle de mon père naufragé. Ce n'est pas la chanson humaine qui puisse venir de la terre. Alors j'entends maintenant la mélodie au-dessus de ma tête. Lève les yeux, Miranda, et dis-moi ce que tu vois là-bas. Qu'est-ce ? Un esprit. Il regarde tout autour de lui. Sur ma foi, Seigneur, il a forme d'homme, mais c'est un esprit, sûrement. Non, petite fille, il mange, il dort, il possède tous les mêmes sens que nous. Ce galant que tu vois se trouvait dans le naufrage, et n'était le chagrin qui le défigure, tu pourrais l'appeler un beau jeune homme. Il a perdu ses compagnons, et il erre à travers l'île pour les retrouver. Je pourrais aussi bien l'appeler divinité, car parmi les choses de la nature, je n'en vis jamais d'aussi belle. L'affaire marche, je le vois, au gré de mes résolutions. Ariel, mon rare esprit, pour cela je t'affranchirai dans 2 jours. Oh, à coup sûr, voici la déesse que cette musique accompagne. Oh, vous, merveille, êtes-vous une jeune fille? Une merveille? Oh non, Seigneur, mais une jeune fille, certainement. Oh, ciel, elle parle la langue de Naples. Tu parles de Naples? Je suis le roi de Naples, depuis que j'ai vu de mes yeux le naufrage du roi mon père. Et là? Oui, son naufrage, et en même temps celui de tous ces gentilshommes. Et avec eux, le duc de Milan et son noble fils. Le duc de Milan pourrait te démentir. Mais... Ariel, cela te vaudra ta liberté. Un mot, mon bon monsieur. Je crains que vous ne vous soyez fait quelque tort par vos paroles. Quoi? Pourquoi mon père lui parle-t-il si durement? Voilà le troisième homme que j'ai jamais vu, et le premier pour qui j'ai soupiré. Madame, si vous êtes une vierge, et si vos sentiments ne sont pas encore engagés, je vous ferai reine de Naples. Doucement, monsieur, encore un mot. Ils sont au pouvoir l'un de l'autre, mais il faut entraver cette affection naissante. Une victoire facile est de trop peu de prix. Un mot encore. Je te somme de me suivre. Mais tu usurpes un nom qui ne t'appartient pas. C'est ton espion que tu t'es introduit dans cette île, afin de me l'arracher à moi, qui en suis le souverain. Cela n'est pas aussi vrai que je suis un homme. Comment le mal pourrait-il habiter un tel être? Suis-moi. Nuis-toi pas un mot en sa faveur, c'est un traître. Allez, viens, je vais t'enchaîner. Mais oh, l'eau de la mer père, sera ta boisson, et tu n'auras pour nourriture que des coquillages, des racines desséchées et des costes glands. Oh, suis-moi. Mais avant de subir un tel traitement, je me défendrai l'épée à la main. Relève ton épée, traître. Tu voudrais frapper, mais tu n'oses pas parce que tu te sais coupable. Mais monsieur... Oh, la garde! Sinon ce bâton te désarme. Je vous en supplie, mon père. Arrière, ne t'accroche pas ainsi à mes vêtements. N'ayez pitié, je serai sa caution. Silence! Un mot de plus et tu encours mon déplaisir, pour ne pas dire ma haine. Quoi, tu plaides pour un imposteur? Tu crois qu'il n'existe pas d'homme au monde qui le vaille parce que tu n'as jamais vu que lui est Caliban? Petite folle, c'est un autre Caliban, et la plupart des hommes sont des anges comparés à lui. Je n'ai pas l'ambition de rencontrer jamais un plus parfait. Marchons! En orbite. Oh. On dirait que tes nerfs ont faibli. Ils sont bien faibles, en effet. Mes esprits sont paralysés comme dans un rêve. La perte de mon père, la fatigue que j'éprouve, le naufrage de tous mes amis, les menaces même de cet homme, ne sont pour moi que légères souffrances. Si je puisse seulement de ma prison contempler une fois par jour cette jeune fille... Ça va très bien. Marchons! Tu as bien travaillé, gentil Ariel. Écoute, Ariel, ce que tu as encore à faire. Ayez du courage, Seigneur. Mon père a meilleur cœur que ses paroles vous le font supposer. Ariel, tu seras libre comme les vents des montagnes. Mais alors exécute mes ordres exactement et de point en point. Jusqu'au dernier iota. Non, suis-moi. Prospero a volontairement ménagé la rencontre de Ferdinand et de Miranda. Il veut que la réconciliation avec son frère soit marquée du sceau de l'amour des deux jeunes gens. Ferdinand, qu'il accuse d'être venu dans l'île avec de mauvais desseins, est condamné par Prospero. Il sera mis au fer et servira désormais aux basses besognes domestiques de son geôlier. Ah, il est déjà bien fatigant. C'est dans le charme qu'on pense la fatigue. Cette misérable tâche que je remplis devrait m'être odieuse. Mais la maîtresse que je sers transforme en plaisir mes fatigues. Elle est plus aimable que son père. Un vrai fagot d'épines. Je vous en prie, ne travaillez pas si fort. Je voudrais que la foudre eût brûlé ces bûches qu'il vous est enjoint d'empiler. Non, je vous en prie, posez-les. Reposez-vous. Lorsqu'elle brûlera, cette bûche pleurera de vous avoir tant fatigué. Mon père est en étude, profitez-en, reposez-vous. Il en a pour 3 heures au moins avant de sortir. Bon, hélas, le soleil se couchera avant que j'aie achevé. Si vous voulez vous asseoir, moi je porterai vos bûches pendant ce temps. Oh non, précieuse créature. J'aimerais mieux me rompre les nerfs, me briser les reins, que de vous laisser faire mon ouvrage pendant que je serai assis à me reposer. Cette besogne me conviendrait aussi bien qu'à vous. J'accomplirai. Pauvre papillon, tu as pris le poison. Tu l'aimes. Vous paraissez si fatigué. Non, noble maîtresse. C'est une fraîche matinée pour moi que votre présence aux heures de la nuit. Dites-moi votre nom. Miranda. Oh, mon père, en le disant, je viens de désobéir à vos ordres. Oh. Miranda, égale à tout ce qu'il y a de plus précieux au monde. Mes yeux ont vu bien des dames, et bien des fois la musique de leur voix m'a rendu captif. Pour leur vertu, j'ai aimé bien des femmes, mais jamais avec toute mon âme. Car toujours quelques défauts se disputaient en elles avec les plus nobles qualités, et les rendaient odieuses. Mais vous, si parfaite, incomparable, vous êtes faite de ce qu'il y a de meilleur dans chaque créature. Je ne connais personne de mon sexe. Je ne me rappelle aucun visage de femme, excepté le mien, que le miroir m'a fait connaître. Et de ceux qu'on appelle les hommes, j'en ai pas vu d'autres que vous, mon bon ami, et mon père. Comment sont les visages ailleurs qu'ici? Je ne le sais pas. Mais je ne souhaite pas d'autres compagnons que vous. Et je ne suis pas capable d'imaginer une autre figure en dehors de vous que je puisse aimer. Mais je parle follement et j'oublie les leçons de mon père. Par ma condition, je suis prince, Miranda. Et aussi, je le crois bien, roi. C'est dire que je supporte mal cet esclavage de portefaix. Mais dès l'instant où je vous vis, mon cœur s'attacha à votre service. Et c'est pour l'amour de vous que je suis un si patient bûcheron. M'aimez-vous? Oh ciel, oh terre! Soyez témoin de mes paroles. Oui, je vous aime et vous honore au-delà de toute chose au monde. Oh, je suis folle de pleurer. C'est de joie. Noble rencontre de deux rares affections. Que le ciel bénisse ce sentiment qui vient de naître. Pourquoi pleurez-vous? Mon faible mérite me retient d'offrir ce que je désire. Je suis votre femme, si vous voulez de moi. Si vous me refusez pour compagne, je serai votre servante. Oh, dites ma maîtresse, chérie. Je serai toujours aussi humble que je le suis maintenant. Mon mari, alors? Oui, avec un cœur dévoué. Voici ma main. Voici la mienne. Mon cœur est dedans. Et maintenant, adieu pour une demi-heure. Je vous dédie mille et mille tendres choses. Satisfaction ne peut être plus grande. Je vais retourner à mes livres. J'ai encore tant de choses à accomplir avant l'heure du soir. Conduit maintenant en un autre lieu de l'île où Antonio et sa suite, là adhérés à la recherche d'un gîte, se sont arrêtés. Oh, par Notre-Dame, sire, je ne puis aller plus avant. Mes vieux os sont épuisés. Nous avons tourné tout le jour à travers toutes sortes d'allées et de méandres. Souffrez que je me repose. Vieux gentilhomme, je ne puis te blâmer. Je suis moi-même accablé de fatigue. Assieds-toi et repose-toi. Merci. Ici même, je renonce à tout espoir. Mon fils, mon Ferdinand est noyé, et la mer se raille de nos inutiles recherches sur terre. Paix à son âme. Quelle harmonie est-ce là? Mes bons amis, écoutez. Une musique merveilleusement douce. Entre Prospero invisible au-dessus de la Seine. Entrent également divers personnages bizarres apportant une table de banquet. Les apparitions dansent tout autour de la table en faisant des saluts gracieux, invitent le roi à manger et se retirent. Le ciel nous envoie nos bons anges gardiens. Oh, cieux, merci. Après cette représentation, je croirais volontiers qu'il y a des licornes. Qu'il est en Arabie un arbre qui sert de trône aux phénix. Je croirais toutes les femmes. Oh, me voudrait-on vous croire si je rapportais à Naples que j'ai vu de tels insulaires? Car incontestablement, ces êtres appartiennent à la population de l'île, malgré leur forme monstrueuse. Ils ont des manières plus gracieuses qu'on en pourrait trouver chez beaucoup de gens de notre race. Honnête seigneur, tu dis vrai. Quelques-uns des hommes ici présents sont pires que des diables, en effet. Ils se sont évanouis d'une manière étrange. Mais ils nous ont laissé en s'en allant les maîtres de leur banquet. Vous plairait-il d'y goûter? J'hésite, Sébastien. Mais en vérité, sire, que craignez-vous? Quelques maléfices? Quelque funeste complot contre votre personne? Eh bien, je m'assoirai à cette table. Et je prendrai ce repas, s'il est pour moi le dernier. Le meilleur de ma vie est passé. Mon frère, monseigneur le duc, asseyez-vous et faites comme nous, soupons. Ah. ciel sous la forme d'une harpie. Il bat la table de ses ailes et la table disparaît. Il y a ici trois criminels. La destinée qui gouverne ce bas monde a contraint la mer insatiable de les vomir dans cette île déserte, car ils sont indignes désormais de vivre parmi les hommes. Je vous ai tous rendus fous. Insensé, vous tirez l'épée. Moi et mes compagnons, nous sommes les ministres de la destinée. Vos lames dérisoires pourraient tout aussi peu blesser les vents qui passent ou poignarder à mort les eaux de la mer qu'arrachait à mes ailes un seul brin de duvet. Mes compagnons sont comme moi, invulnérables. Vos épées eussent-elles encore le pouvoir de nous blesser que par ma volonté? Je les rendrais si lourdes que vous ne pourriez les soulever. Rappelez-vous, c'est ça l'objet de mon message. Rappelez-vous que vous trois, vous avez chassé de Milan le bon Prospero et que vous l'avez exposé au péril de la mer avec son enfant innocent. Pour cette action indigne, les puissances divines qui savent retarder leur vengeance mais qui n'oublient pas se sont soulevées contre vous. Elles t'ont privé de ton fils, Alonso, et elles proclament par ma voix que la ruine, pire que la mort, vous suivra pas à pas, vous et toutes vos entreprises. Rien sinon le repentir ne vous préservera contre leur colère. Des fantômes dansent avec des grimaces et des mines moqueuses. Ils enlèvent la table. Tu as excellemment joué ce personnage de harpie, mon Ariel. Tu n'as rien oublié de mes instructions. Mes ministres subalternes ont aussi rempli leur rôle avec une singulière exactitude. Mes charmes opèrent. Et ces hommes, mes ennemis, sont tous pris dans les lacs de leur délire. Ils sont en mon pouvoir. Je les abandonne à leur fièvre. Je m'en vais visiter le jeune Ferdinand qu'ils supposent noyé. Et ma fille, ma bien-aimée, et la sienne. Au nom de tout ce qu'il y a de sacré, sire, d'où vient votre présente stupeur? Il m'a semblé que les vagues me parlaient, et que le tonnerre, prononçant le nom de Prospero, proclamait mon péché. Ainsi, mon fils est enseveli dans le limon de la mer. Oh, j'irai le chercher plus loin que n'a jamais pénétré la sonde du marin, et je me coucherai auprès de lui dans la barre. Qu'on m'envoie les démons, et je battrai leur légion. Droits sont désespérés, leur faute, comme un poison lent, commence à ronger leurs âmes. Je vous en prie, suivez-nous. Ferdinand, je vous ai sévèrement puni, mais je réparerai mon offense. Je vous donnerai celle pour qui je vis. Je la remets entre tes mains. Les tourments que je t'ai imposés avaient pour but de mettre à l'épreuve ton amour. Tu as bien supporté l'épreuve. Ici, à la face du ciel, je confirme le présent que je te fais. Ah, Ferdinand, ne souris pas de mes éloges. Tu reconnaîtras bientôt qu'elle mérite toutes les louanges. Je vous crois, Seigneur Prospero. Ainsi donc, reçois ma fille, à la fois comme un présent de ma main et comme bien dignement gagné par toi. J'espère des jours paisibles. Une belle prospérité et une longue vie dans un amour toujours égal. Tu as noblement parlé. Elle est tienne, maintenant. Ariel, mon ingénieux serviteur, Ariel. Que veut mon puissant maître? Me voici. Vous avez, toi et tes petits compagnons, accompli votre dernière tâche d'une manière digne de tout éloge. Et je veux vous employer encore. Va et amène ici tout ce petit peuple sur lequel je t'ai donné pouvoir. Tout de suite. Le temps d'un clin d'œil. Avant que vous ayez pu dire va et viens, que vous ayez respiré deux fois, tous seront ici. M'aimez-vous? Tendrement, mon délicat Ariel. Je m'envole. Réapparais, Ariel, et vivement. Quant à vous, ma douce Miranda, mon bon Ferdinand, langue nouée, yeux ouverts, regardez! Oh! Et c'est une vision féerique qui s'offre aux yeux émerveillés de Ferdinand et de Miranda, née du pouvoir prodigieux de Prospero. J'avais oublié l'ignoble conspiration de la brute Caliban et de ses complices contre ma vie. Le moment où ils doivent mettre leur projet à exécution est arrivé. Bien joué, mes gentils esprits. Retirez-vous maintenant. Voilà qui est étrange. Votre père semble en proie à une émotion violente. Jamais jusqu'à ce jour je ne l'avais vu en colère. Votre visage, mon fils, dit un grand émoi. Vous êtes effrayé. Mais oui, Seigneur. Rassurez-vous, Seigneur. Nos divertissements sont maintenant finis. Ces êtres, nos acteurs, comme je vous l'ai dit, étaient tous des esprits. Ils se sont fondus en air subtil. Pareil à cette vision fugitive, les tours coiffées de nuages, les palais somptueux, les temples solennels, le vaste globe lui-même et tout ce qu'il contient se dissoudront un jour sans plus laisser de traces. Nous sommes faits de la même étoffe que les rêves, et notre misérable vie est environnée de sommeil. Seigneur, je suis un peu chagrin. Excusez ma faiblesse. Mon vieux cerveau est troublé. Seigneur, n'ayez pas souci, non, de ce malaise. Retirez-vous, s'il vous plaît, et reposez-vous. Je veux marcher pour calmer mon âme agitée. Nous vous souhaitons le calme. Oui. Arrive, avec la rapidité de la pensée, Ariel. Me voici. Quel est ton plaisir ? Esprit, il faut nous préparer à affronter Caliban. Dis-moi encore, où as-tu laissé ces goujats ? Je vous l'ai dit, Seigneur. Ils étaient tellement échauffés par l'ivresse qu'ils en étaient cramoisis. Ils frappaient l'air pour leur avoir soufflé au visage, battaient la terre pour leur avoir baisé les pieds. Cependant, ils n'ont pas perdu de vue leur projet criminel. Alors, j'ai battu mon tambourin. Et aussitôt, pareil, à des poulains sauvages, ils ont dressé l'oreille, écarquillé les yeux, relevé le nez comme pour flairer la musique. J'ai tellement charmé leurs oreilles que je les ai fait courir comme des veaux à travers les ronces, les agents piquants et les épines. À la fin, je les ai laissés barbotant dans l'étang de boue qui est derrière votre grotte. Ils s'y enfonçaient jusqu'au menton, se démenaient. Bien joué, mon oiseau. Garde ta forme invisible et va chercher dans ma demeure tout ce que tu y trouveras d'oripeaux. Tendons un leurre qui prendra ses voleurs. J'y vais, j'y cours. Caliban, démon de naissance, l'éducation ne peut rien sur ta nature. Toutes les peines que j'ai prises sont perdues. De même que ton corps devient toujours plus difforme avec les années, de même ton âme se gangrène chaque jour davantage. Je vais leur infliger à tous une correction, jusqu'à les faire rugir. Approche, Ariel. Range ces hardes brillantes sur cette corde. Les voici. Rendons-nous invisibles. Marchez doucement. Nous sommes maintenant près de la grotte du cruel Prospero. Marchons et accomplissons le meurtre. S'il s'éveille, il nous couvrira de bleu de la tête aux pieds. Oh, il nous arrangera d'une drôle de façon. Caliban, en effet, a ourdi un complot contre la vie de Prospero. Il a réussi à convaincre les marins de la flotte royale et à les faire entrer dans ses desseins criminels. Les voici qui s'apprêtent à accomplir leur sinistre projet. Mais Prospero, à qui rien n'échappe, veille. Et bientôt, Caliban et ses complices seront soumis au charme vengeur de Prospero. Furie ! Furie ! Ici ! Tyran ! Ici ! Ordonne à mes lutins de tordre leurs articulations dans les convulsions, de tendre leurs muscles de crampes et de les couvrir de meurtrissures, jusqu'à leur faire un corps d'acheter que la peau du léopard ou du chat sauvage des montagnes. Écoute, ils rugissent. On leur donne la chasse. À cette heure, tous mes ennemis sont à ma merci. Bientôt, tous mes travaux seront achevés. Et tu jouiras de la liberté, Ariel. Suis-moi et serre-moi une heure encore. Mon projet prend forme. Mes charmes opèrent. Les esprits m'obéissent et le temps avance droit vers le dénouement. Où en est le jour ? Près de la sixième heure, l'heure à laquelle, Monseigneur, vous avez dit que cesseront nos travaux. Dis-moi, mon esprit, en quel état sont le roi et ses compagnons ? Parqués ensemble, de la manière dont vous me l'aviez ordonné, dans l'état où vous les avez laissés, tous prisonniers dans le bosquet de tilleuls qui entoure votre grotte. Ils n'en peuvent sortir sans que vous les délivriez. Le roi, son frère et le vôtre continuent tous trois à délirer. Les autres, remplis d'effroi, se lamentent sur leur malheur. Mais surtout, maître, celui que vous avez nommé le bon vieux seigneur Gonzalo, ses larmes ruissellent le long de sa barbe comme la pluie d'hiver d'un toit de chaume. Vos charmes les travaillent si violemment que si vous les voyez, Votre cœur en serait touché. Crois-tu, esprit? Je serais effrayée si j'appartenais à la race humaine. Et quoi? Toi qui n'es fait que de l'air, tu éprouverais de la pitié pour leur peine? Et moi qui suis de leur espèce, moi qui suis passion comme eux, je resterais insensible. Eh bien, quoique blessé par leurs offenses, je prendrai parti contre ma colère. Il est plus beau d'agir par vertu que par vengeance. S'ils se repentent, mon but est atteint. Va, délivre-les, Ariel. Je vais rompre mes charmes, les rappeler à leur bon sens, et ils vont redevenir eux-mêmes. Je vais les chercher, Seigneur. Vous, elfes des collines, des ruisseaux, des lacs dormants et des bosquets, et vous, qui de vos pieds légers poursuivez Neptune lorsqu'il se retire et fuyez devant lui lorsqu'il remonte, vous, petits lutins facétieux qui tracez au clair de lune ces cercles qui laissent l'herbe amère, vous, qui faites naître à minuit les champignons, vous êtes des maîtres bien faibles. Cependant, grâce à vous, j'ai pu, dans tout l'éclat de son midi, obscurcir le soleil, susciter les vents rageurs, déchaîner la guerre entre la verte mer et la voûte du ciel, allumer le tonnerre, décapiter avec la foudre de Jupiter le chêne orgueilleux, faire trembler les rochers sur leur base, renverser le cèdre et le pin, ordonner au tombeau de réveiller les morts. Voilà, grâce à votre aide, jusqu'où mon art a pu porter sa puissance. J'abjure ici cette magie. Et lorsque je vous aurai ordonné un peu de musique céleste pour apaiser l'essence de ces hommes, je briserai ma baguette de commandement. Je l'enfouirai à plusieurs pieds sous la terre. Et plus avant que n'ait jamais descendu la sonde, je plongerai mon livre de charme sous les eaux. Entre Ariel. Après lui viennent Alonso faisant des gestes frénétiques, Gonzalo, Sébastien et Antonio dans le même état que le roi, et suivi d'Adrien et de Francisco. Ils entrent tous dans le cercle tracé par Prospero et y demeurent enchantés. Prospero, après les avoir observés, reprend la parole. Une musique solennelle s'élève. Demeurez tranquille, car un charme vous enchaîne. L'enchantement se dissipe. De même que le jour se glisse furtivement sous la nuit, fondant ses ténèbres, ainsi leur raison s'éveille. Oh, bon Gonzalo, mon vrai sauveur, fidèle serviteur, à mon retour je te rendrai tes bienfaits. Tu as agi bien cruellement envers moi et envers ma fille, Alonso. Ton frère aida à ton crime. Tu en pâtis maintenant, Sébastien. Vous, ma chair et mon sang, vous, mon frère, qui pour faire en votre âme la place plus grande à l'ambition, en avez chassé le remords, vous qui, avec Sébastien, avez voulu tuer votre roi, je vous pardonne. Leur raison commence à revenir, mais pas un qui me reconnaisse. Ariel, va me chercher le chapeau et l'épée qui sont dans ma grotte. Oui. Je vais changer de vêtements et me présenter tel que j'étais autrefois. Vivement, mon esprit, avant peu, tu seras libre. Merci, Ariel. Rends-toi au vaisseau du roi. Tu y trouveras les matelots endormis sous les écoutilles. Réveille le capitaine et le maître d'équipage et pousse-les jusqu'ici. Va, je t'en prie. Je bois l'air devant moi et je reviens avant que ton pouls ait battu deux fois. Regarde, Seigneur Roi, voici devant toi Prospero, le duc de Milan. Oh. Pour mieux t'assurer que c'est bien un prince vivant qui te parle, je t'embrasse. Oh. Et je souhaite à toi et à ceux qui t'accompagnent une cordiale bienvenue. Oh. Es-tu Prospero ou bien quelque fantasmagorie? Ton pouls bat comme celui d'un être de chair et de sang. Depuis que je t'ai vu, je sens diminuer l'affliction de mon esprit. Oh, voilà une histoire bien étrange. Je résigne ton duché, je sollicite le pardon de mes torts. Mais comment Prospero est-il vivant et se trouve-t-il ici? D'abord, noble ami Gonzalo, laisse-moi t'embrasser. Touche-la, est-il vrai? La bienvenue à vous tous, mes amis. Pour toi, détestable seigneur que je ne puis appeler frère, je te pardonne ta faute et je te réclame mon duché. Si tu es Prospero, parle! Comment nous as-tu rencontrés ici, nous qui, il y a 3 heures, avons fait naufrage sur ce rivage où j'ai perdu mon cher fils Ferdinand? J'en suis désolé, sire, et je comprends votre peine, car j'ai perdu ma fille. Votre fille? Oh, ciel, que ne sont-ils vivants, et tous deux à Naples, roi et reine? Pour qu'ils y fussent, je consentirais à être enseveli sous la vase où mon fils gît, étendu. Quand donc avez-vous perdu votre fille? Dans cette dernière tempête. Je vois que ces seigneurs sont stupéfaits de cette rencontre. Ils ont peine à croire leurs yeux de ce qu'ils voient. Croyez-moi, je suis Prospero, ce duc qui fut chassé de Milan et qui, sur ce même rivage où vous avez fait naufrage, aborda par un hasard bien étrange. N'en parlons pas davantage pour le moment. C'est toute une histoire à raconter lentement, journée après journée. Sire, soyez le bienvenu. Cette grotte est ma cour. J'y ai peu de suivants, pas un sujet. Je vous en prie, jetez-y un regard. Vous m'avez rendu mon duché et je veux vous en remercier. Regardez! L'entrée de la grotte s'élargit et laisse voir Ferdinand et Miranda jouant aux échecs. Mon doux seigneur, vous me trichez! Oh non, mon cher amour, je ne le ferai pas pour tout le monde entier. Si c'est une fantasmagorie, j'aurais perdu 2 fois mon fils. Miracle! Mon père vivant! Reçois, mon fils, mes bénédictions! Enlève-toi, Ferdinand. Mon père. Et dis-nous comment tu es venu ici. Oh, merveille! Que de superbes créatures de tous côtés, comme le genre humain est beau. Oh, l'excellent monde qui contient un tel peuple. Oui, il est nouveau pour toi. Quelle est cette jeune fille avec laquelle vous étiez à jouer? Est-ce la déesse qui, après nous avoir séparés, nous a fait nous retrouver? Non, sire, elle est mortelle. Mais une immortelle providence me l'a donnée. Je l'ai choisie alors que je ne pouvais prendre le conseil de mon père et que je croyais même ne plus en avoir. Elle est fille de ce fameux duc de Milan, dont j'ai si souvent entendu parler, mais que je n'avais jamais vu jusqu'à ce jour. De lui, j'ai reçu une seconde fois la vie, et cette dame me donne ainsi un second père. Et moi, je serai le sien. Je veux solliciter le pardon de mon enfant. Arrêtez, sire. Pourquoi n'oublierions-nous pas ces souvenirs pénibles? Abaissez vos regards sur cette scène, ô Dieu, et faites descendre sur les fronts de ce couple une couronne bénie, car c'est vous qui avez tracé le chemin qui nous a conduits ici. Je réponds Amen, Gonzalo. Ainsi donc, Milan a été chassé de Milan pour que sa postérité donne à des rois à Naples. Réjouissons-nous et inscrivons en lettres d'or sur le marbre immortel. Dans un même voyage, Claribel a trouvé un époux à Tunis et son frère Ferdinand une femme. Dans une île misérable, Prospero a retrouvé son duché. Et nous tous, tant que nous nous sommes retrouvés. Oui, donnez-moi vos mains. Et s'il est un être au monde qui ne vous souhaite pas le bonheur, que le chagrin et la tristesse s'emparent de son cœur. Ainsi soit-il, amen. Rentre Ariel avec le capitaine du navire et le maître d'équipage. Oh, regardez, sire, regardez. Voici les nôtres. Quelle nouvelle, marin! La première et la meilleure, nous avons retrouvé sain et sauf notre roi et les personnes de sa suite. La seconde, notre vaisseau que nous tenions pour détruit et couler, est là aussi beau, aussi parfaitement gréé que le premier jour où nous l'avons mis à la mer. C'est un miracle! Seigneur, tout cela est mon œuvre. On a droit d'esprit, merci. Tous ces événements ne sont pas naturels. Dites-nous, comment êtes-vous venu ici? Sire, nous étions plongés dans un sommeil de mort sous les écoutilles. Lorsqu'il y a un instant, nous avons été réveillés par des bruits étranges. Des rugissements, des cris de détresse, des hurlements, des cliquetis de chaînes. Immédiatement, nous nous trouvons debout et nous voyons devant nous notre brave et royal vaisseau et notre capitaine qui saute de joie en le regardant. Puis, en un éclair, nous nous sommes trouvés séparés les uns des autres et nous voici devant vous, étonnés, nous frottant les yeux. Cela a-t-il été bien exécuté? Admirablement, tu seras libre, Ariel. Voilà le plus étrange labyrinthe que jamais homme ait parcouru. Il y a dans toute cette affaire une puissance qui surpasse la nature. Sire, mon suzerain, ne fatiguez pas votre esprit à tourner et à retourner l'étrangeté de cette aventure. Lorsque nous serons libres de choisir une heure de loisir, seul, en tête à tête, je vous donnerai l'explication très simple de chacun de ces événements. Jusque-là, gardez-vous en joie. Viens ici. Esprit, mets en liberté Caliban et ses compagnons. Délie le charme. Désormais, je serai plus sage et je m'efforcerai d'obtenir ma grâce. Oh non, Caliban, hors d'ici! Sire, j'invite votre Altesse et sa suite à entrer dans ma pauvre grotte où vous prendrez votre repos. Je vous dirai l'histoire de ma vie et les incidents qui se sont succédés depuis mon arrivée dans l'île. Le matin venu, je vous conduirai à votre vaisseau et nous ferons route pour Naples, où j'espère célébrer le mariage de nos chers enfants. De là, je me retirerai dans mon Milan, où sur trois de mes pensées, il y en aura une pour ma tombe. Il me tarde d'entendre votre histoire. Je vous raconterai tout. Et je vous promets des eaux calmes, des brises propices et des voiles si rapides que votre navire aura bien vite rattrapé et laissé derrière lui votre flotte royale. Ariel, mon petit oiseau, c'est à toi qu'en revient la charge. Après cela, retourne aux éléments, sois libre et porte-toi bien. Vous venez d'entendre La Tempête avec la distribution suivante. Prospero, Maurice Escande. Ferdinand, Jean Pia. Caliban, Edmond Beauchamp. Alonso, Marcel André. Gonzalo, Georges Baconnet. Antonio, André Sert. Sébastien, Jean Topard. Francisco, Roger Bontemps. Ariel, Daniel Delorme. Et Miranda, Hélène Ronsard. La musique originale était de Marc Vaubourgoin, exécuté sur les ondes Marteneau sous la direction de l'auteur. Thank you.